Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter son étude ainsi que sa mise en pratique. Donc l'auteur nous dit, rahmahullah, je demande à Allah le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Ces trois choses sont certes les clés du bonheur. L'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a commencé son épître par une invocation. Et ceci est une habitude chez les gens de la sunna. Ils commencent souvent leur épître par une invocation. Et ceci nous indique plusieurs points. Le premier point est que les gens de la sunna sont doux et miséricordieux. Et ces deux caractéristiques, qui sont la douceur et la miséricorde, sont deux caractéristiques louables. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Également, la douceur et la miséricorde étaient deux caractéristiques présentes chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné que la douceur et la miséricorde étaient des caractéristiques de certains suiveurs des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des suiveurs du prophète Isa alayhi salam, ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Nous avons envoyé sur leurs traces d'autres parmi nos messagers, et nous les avons fait suivre de Isa, fils de Mariam, à qui nous avons donné l'évangile. Nous avons suscité dans le cœur de ceux qui les suivirent compassion et miséricorde. Le deuxième point que ce procédé nous indique est que le prêche doit être basé sur la douceur et la miséricorde. Car la dureté fait fuir les gens. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. En sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la dureté. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Ô Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la dureté. Et l'éminent savant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a mentionné que la douceur fait partie des 5 conditions du prêche, qui sont la sincérité, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prêche soit conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous avons la science, ensuite la douceur et la patience. Après avoir entendu tout cela, quelqu'un pourrait se demander: est-ce que, comme le prêche doit être basé sur la miséricorde et la douceur, cela veut dire qu'on ne doit pas mettre en garde sur les sectes et les individus déviants? Et ceci est malheureusement une ambiguïté de beaucoup de sectaires de notre époque. Ils vont te dire, par exemple, la première des choses qui te vient à l'esprit lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la douceur et la miséricorde. Ainsi, ils vont te dire qu'il ne faut pas mettre en garde contre les sectes et les individus. Et il n'y a pas de doute que cette parole est caduque. Car malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit dans le Coran comme quelqu'un de doux et de miséricordieux, il a mis en garde fermement contre la secte des Khawarij. وَقَالَ بِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les Khawarij que ce sont les chiens de l'enfer. Également, malgré la miséricorde et la douceur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient durs avec les gens de l'innovation. قال ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد وكان عبد الله ابن عباس شديدا على الخوارج. ابن القيم عليه رحمة الله a mentionné dans son livre intitulé Zad al-Ma'ad, et Abdullah ibn Abbas était dur envers les Khawarij. Par conséquent, la miséricorde et la douceur sont la base dans le prêche. Néanmoins, ça n'empêche pas de mettre en garde contre les sectes et contre les individus. Naam. Donc le cheikh nous dit, rahmahullah, je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié, ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Ces trois choses sont certes les clés du bonheur. Celui qui médite sur l'invocation du Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, verra qu'en vérité, ce n'est pas une seule invocation, mais plusieurs. La première est dans sa parole. Je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par certains de ses noms, tout en respectant un comportement éminent lorsqu'on invoque par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer par ses noms. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, à Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le avec ses noms. Et les savants nous mentionnent un comportement éminent à respecter lorsque le serviteur invoque avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce comportement est de choisir un nom en lien avec sa demande. Par exemple, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne, alors tu vas choisir un nom tel que Al-Ghaffar ou Al-Ghafir. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, alors tu vas choisir un nom tel que Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te venge, alors tu vas choisir des noms en lien avec la force, tels qu'Al-Qawi ou encore Al-Jabbar. Et le Cheikh ici, Rahmahullah, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, à respecter ce comportement éminent qui est connu dans les livres de croyance. Ensuite, nous avons la deuxième invocation. Lorsqu'il dit de te bénir où que tu sois. Al-Baraka, la bénédiction, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut bénir une chose ou une personne. Contrairement à ce que prétendent certaines sectes. En effet, on trouve que certaines sectes ont la conviction que certains individus peuvent bénir. C'est pour cela, par exemple, que dans la secte d'Al-Mutasawwifa, la secte des soufis, parfois, avant de se marier, l'élève va voir son cheikh et lui dit « Mets la baraka dans mon mariage », c'est-à-dire « Bénis mon mariage » ou « Bénis mon commerce ». Et ceci n'est pas permis. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut bénir ton mariage. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut bénir ton commerce et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir bénir. Et quelqu'un peut se demander dans quoi réside la bénédiction de l'homme. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah nous dit dans son livre intitulé la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, je cite, la bénédiction de l'homme réside dans son enseignement du bien où qu'il soit, dans les conseils qu'il prodigue à ceux avec lesquels il se réunit. Fin de citation. Et la deuxième invocation du Cheikh, lorsqu'il dit de te bénir où que tu sois, est tiré du verset 31 de sourate Maryam. قال الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois. Ibn al-Qayyim rahmahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire enseignant du bien, appelant à Allah et incitant à lui obéir. Fin de citation. Ainsi, on remarque que la science, sa mise en pratique et le prêche sont des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse son serviteur. Également, la science, la mise en pratique et le prêche font partie des conditions pour être sauvé de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Asr, Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, certes l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient. Et il n'est pas possible de croire sans science. Et la croyance profitable est celle qui est basée sur la science. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa alladhina amanu » ça revient à la science. « Wa amilu salihat » et accomplissent des bonnes œuvres. Donc là c'est la mise en pratique. « Wa tawasaw bil haqq » et donc ils s'enjoignent la vérité. Donc ici c'est le prêche. وَتَوَاسَوْ بِصَبْرِ et donc ils s'enjoignent la patience. Donc ça nous montre que la science, la mise en pratique et le prêche font partie des conditions pour être sauvés de la perdition. Ensuite nous avons la troisième invocation et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne. Les gens de science ont mentionné que le remerciement est de trois catégories. La première catégorie de remerciement est le remerciement avec le cœur, qui consiste à reconnaître que le bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous les bienfaits, sans exception, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie est le remerciement avec la langue qui consiste à proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en faisant son éloge mais sans pour autant s'en vanter et s'enorgueillir et se sentir supérieur aux autres. Et la preuve de cela réside dans le hadith des trois hommes qui faisaient partie de Benou Israël. L'un d'eux était lépreux, l'autre chauve et le dernier aveugle. L'aveugle dit « J'étais aveugle et Allah m'a permis de recouvrer la vue. Prends donc ce que tu veux et laisse ce que tu veux. » La troisième catégorie est le remerciement avec les membres, qui consiste à utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait longtemps la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent et il disait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Et la parole du Cheikh, rahimahullah, lorsqu'il dit « et qu'il te place parmi ceux qui remercient » englobe les trois catégories de remerciement, c'est-à-dire le remerciement avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Et le plus grand bienfait, le plus grand bienfait, ikhwani fillah, c'est le tawhid. Il y a une sourate dans le Coran qui est appelée la sourate des bienfaits. Sourate An-Nahl, sourate les abeilles, qui est aussi appelée la sourate des bienfaits. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné nombreux bienfaits. Et le premier bienfait qu'il a mentionné, c'est la ni'ma du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit au tout début de la sourate, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi ». Craignez-moi donc. Ensuite, nous avons la quatrième invocation. Lorsque l'auteur dit, rahmahullah, patiente lorsqu'ils sont éprouvés. Donc ici, le shir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, invoque en faveur de l'étudiant en sciences. Il invoque en faveur de l'étudiant pour qu'il patiente dans les épreuves qu'il va rencontrer dans son appel au tawhid. Car les savants ont mentionné que celui qui étudie le tawhid, qu'il le met en pratique, puis qui appelle au tawhid, sera forcément éprouvé. Et donc, il devra patienter. Il devra patienter. C'est pour ça que l'auteur, rahmahullah, a dit « Patiente lorsqu'ils sont éprouvés. » Que ce soit dans une épreuve où les créatures n'en sont pas la cause, telles que la maladie, la faim ou la mort, ou des épreuves où ils en sont la cause. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit dans son livre intitulé Al-Irafa que les épreuves qui touchent le serviteur sont de quatre catégories. La première catégorie, les épreuves qui touchent le serviteur. La deuxième épreuve, celle qui va toucher les biens du serviteur. La troisième épreuve, l'épreuve qui va toucher l'honneur du serviteur. Et la quatrième épreuve, celle qui va toucher sa famille et ceux qu'il aime. Par la suite, l'éminent savant Ibn al-Qayyim nous dit que l'épreuve la plus difficile est l'épreuve qui touche directement le croyant, c'est-à-dire la première des catégories. Et quelqu'un pourrait se demander ici pourquoi l'auteur, rahmahullah, a mentionné la patience après le remerciement. La réponse est que le remerciement est une obligation pour le serviteur et son délaissement est interdit. Et celui qui est préoccupé par le remerciement patientera face au délaissement de ce qui est interdit. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit dans son livre intitulé Tariqul Hijratayn à propos de la patience et du remerciement, je cite: la patience est la moitié de la religion. Et la religion est composée de deux moitiés. La première moitié est la patience et l'autre le remerciement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Il en est en cela des signes pour toute personne patiente et reconnaissante. Fin de citation. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, et implore le pardon d'Allah lorsqu'il commet un péché. Et ce que l'auteur mentionne ici est l'une des caractéristiques des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'être fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah, demandent pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, Azza wa Jal, et ne persistent pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Forcément, le serviteur va tomber dans le péché, quand bien même il a atteint un certain degré dans la piété. Il va finir par tomber dans le péché. Méditez avec moi sur la parole de certains de nos mashayikhs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ils ont analysé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces noms, ils ont trouvé At-Tawwab, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, Ar-Rahman, le miséricordieux. Donc forcément, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ces noms, forcément, les serviteurs vont tomber dans le péché. Le pire n'est pas de tomber dans le péché, mais le pire est de persister dans ce péché. Donc lorsque le serviteur tombe dans le péché, il revient. Et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'empresse de se repentir. Car le fait de s'empresser au repentir est la voie de la réussite. قال الله سبحانه وتعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, en finissant cette invocation magnifique, ces trois choses sont certes les clés du bonheur. Puis il dit, rahmahullah, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif, comme Allah a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis il dit, ainsi, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité. Ici l'auteur, rahmahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, veut attirer notre attention sur un point qui est très important. Il veut attirer notre attention sur le lien entre l'adoration et le tawhid. Et le lien entre l'adoration et le tawhid est que l'adoration est plus générale que le tawhid. C'est-à-dire, tout adepte du tawhid adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous ceux qui adorent Allah ne sont pas des adeptes du tawhid. La preuve de cela est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé les mécréants de Quraysh associateurs. Pourtant, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala à certains moments. Mais la plupart du temps, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Et il dit également Azza wa Jal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. Donc par rapport à ça, les savants ont dit qu'ils adoraient Allah. Cependant, c'était des associateurs, car ils ne vouaient pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien entre l'adoration et le tawhid nous indique que le plus important n'est pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité le plus important est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de vouer l'ensemble des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. Et si l'association entre dans l'adoration, elle la corrompt, tout comme le hadith lorsqu'il rentre dans la purification. Cette parole nous montre l'intelligence du cheikh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'auteur a mentionné un exemple très simple. Un exemple élémentaire. Un exemple que tout le monde comprend. Même celui qui n'est pas avancé dans la religion comprend cet exemple. Cet exemple est élémentaire et connu de tous. Il nous dit, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. Et si l'association entre dans l'adoration, elle la corrompt, tout comme le hadith lorsqu'il entre dans la purification. Tout musulman sait que s'il va aux toilettes, par exemple, il doit refaire ses ablutions. Et ses ablutions ne seront pas valides. Et donc le cheikh, rahmahullah, nous donne un exemple pour nous faire comprendre l'importance du tawhid. Et que sans le tawhid, l'adoration ne peut pas être acceptée. Tout comme la prière ne peut pas être acceptée sans purification. Cependant, même si il est vrai qu'ici le cheikh rahmahullah a comparé le tawhid avec la prière, il y a certes des différences. La première différence est que le tawhid est plus important que la prière, car le tawhid est le pilier le plus important de l'islam. Également, il y a une différence entre la prière et le tawhid, car la prière peut être acceptée sans purification, dans le cas où la personne ne trouve pas de quoi se purifier. Elle ne trouve pas d'eau et elle est dans l'incapacité de faire tayammum. Dans ce cas, les savants disent que si, par exemple, la personne ne peut pas faire ses ablutions car elle n'a pas d'eau et elle ne peut pas faire tayammum et que la prière va sortir de son temps, alors ici, il prie sans purification et la prière sera valide. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah, Fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Et également, elle réside dans le hadith d'Abu Huraira, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma nahitukum anhu, fajtanibuh, wa ma amartukum bihi, fa'tu minhu, mastata'tum. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma nahitukum anhu, fajtanibuh. » Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et ce que je vous ordonne, faites-le selon votre capacité. Et ici, il a fait ce qui est dans sa capacité. Donc, sa prière est valide. Quant au tawhid, si l'œuvre est dénuée de tawhid, l'œuvre ne sera pas acceptée. Et il n'y a aucun cas où l'œuvre qui est dénuée de tawhid peut être acceptée. Au contraire de la prière, comme vous venez de l'entendre. Naam. Et lorsque l'auteur dit, rahmahullah, et si l'association entre dans l'adoration, elle la corrompt. Ici, l'auteur vise, rahimahullah, par sa parole, les deux catégories de shirk. Que ce soit le polythéisme majeur, et également le polythéisme mineur, les deux catégories de shirk vont corrompre l'action. C'est pour ça que lorsqu'il dit, et si l'association entre dans l'adoration, que ce soit le shirk akbar ou bien encore le shirk asrar. Et lorsqu'il dit par la suite, une fois que tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt, rend vaines les œuvres et que son auteur sera éternellement en enfer. Par contre ici, l'auteur vise le polythéisme majeur. Ici, l'auteur, rahmahullah, vise le polythéisme majeur. Et la preuve de cela réside dans sa parole. Car on y retrouve deux caractéristiques du polythéisme majeur. La première est qu'il rend vaines les œuvres. Et ceci est spécifique au polythéisme majeur, au contraire du mineur, qui corrompt uniquement l'œuvre dans lequel le shirk s'est mélangé. La deuxième caractéristique est que son auteur sera éternellement en enfer. Et ceci est spécifique au polythéisme majeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ma'ida « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. » Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera l'enfer et pour les injustes, point de secoureur. Et les savants sont unanimes que ce verset concerne le polythéisme majeur. Ensuite il dit, rahmahullah, tu sais alors que le plus important pour toi est d'en avoir connaissance en espérant qu'Allah te délivre et te sauve de ce piège qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée est le tawhid, qui consiste à vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus grave qu'il a interdite est le polythéisme. Ainsi, le musulman doit tout faire pour être préservé du polythéisme. Et quelqu'un pourrait se demander quelles sont les causes permettant d'être préservé du polythéisme. La réponse à cette question est que les causes sont nombreuses. Cependant, nous allons mentionner trois d'entre elles. La première est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Ibrahim alayhi salam وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ. Et lorsque Ibrahim dit « Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. » Si le prophète Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il le préserve du polythéisme, alors que c'est un imam du tawhid et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges dans de nombreux versets du Coran, par exemple dans sa parole Azza wa Jal, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Que dire de nous? Que dire de nous? Il n'y a pas de doute que le serviteur doit invoquer son Seigneur abondamment pour qu'il le préserve du polythéisme. La deuxième cause est l'apprentissage du tawhid et son contraire. Car pour pouvoir être préservé de quelque chose, il faut tout d'abord la connaître. L'imam Muslim rapporte, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, qui a dit « Kana ashabu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yas'alunahu anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. » Hudhayfa ibn al-Yaman disait: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il m'atteigne. De peur qu'il m'atteigne. Par conséquent, le serviteur étudie le tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? Il étudie les catégories de tawhid en détail. Qu'est-ce que l'unicité dans l'adoration? Qu'est-ce que l'unicité des noms et attributs? Qu'est-ce que l'unicité de la seigneurie? Également, il étudie le shirk. Pour être préservé du shirk, il faut connaître le shirk. On étudie le shirk pour être préservé. Car si tu ne connais pas le shirk, alors il est fort probable que tu finisses par y tomber. La troisième cause est de s'éloigner des polythéistes. Car rester à leur côté est très nuisible pour le croyant. Et l'un des meilleurs moyens de s'écarter des polythéistes est de faire la hijra. C'est-à-dire quitter les terres de mécréance pour vivre en terre d'islam auprès des musulmans. Car les terres de mécréance sont les endroits où le polythéisme est proclamé et banalisé, à un point où il fait partie du décor. Les terres de mécréance sont les endroits où autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est adoré en permanence, et où les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bafoués. En faisant la hijra et en s'écartant des polythéistes, le croyant prend ses distances avec le polythéisme et convoite de nombreuses récompenses de la part de son Seigneur. Sachez que quiconque s'éloigne des polythéistes, se désavoue d'eux en étant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera dans cette vie et dans l'au-delà. Méditez avec moi sur les versets 49 et 50 de sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Ibrahim alayhi salam, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Lorsqu'il se fut éloigné d'eux, c'est-à-dire des polythéistes, et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, nous lui fîmes don de Ishaq et de Yaqub, dont nous fîmes tous deux des prophètes. Nous leur accordâmes de notre miséricorde, ainsi qu'une renommée élogieuse. L'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, après avoir mentionné ce verset, il cita la parole connue, « Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. » Puis il dit, « Hafizahullah, lorsqu'Ibrahim alayhi salam se désavoua des polythéistes, Allah lui remplaça cela par une descendance pieuse. » Fin de citation. Et ceci nous indique que celui qui se désavoue et s'écarte des polythéistes, Allah lui facilitera. Et ceci est une bonne annonce pour ceux qui sont convertis à l'islam et qui éprouvent une certaine gêne à refuser de prendre part aux fêtes de Noël et du Nouvel An avec leur famille. Certains de nos frères et sœurs peuvent parfois ressentir une certaine gêne, voire une certaine honte, à refuser de ne pas se joindre à leur famille lors de ces fêtes. Et ceci n'est pas spécifique aux convertis à l'islam, car on peut trouver que certains musulmans de naissance soient gênés de ne pas féliciter les mécréants lors de leurs fêtes, ou même de ne pas répondre à leur invitation. Tout d'abord, nous leur rappelons la position du Coran vis-à-vis des fêtes des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Furqan au sujet de l'une des caractéristiques de ses serviteurs pieux, وَالَّذِينَ لَا يَجْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ceux qui ne s'adonnent pas au faux, c'est-à-dire ceux qui ne s'adonnent pas à la célébration des mécréants, comme cela fut rapporté de certains de nos pieux prédécesseurs, parmi eux Abu al-Aliya, Ad-Dahhak, Ar-Rabi' ibn Anas et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ainsi, il est interdit de participer à leurs fêtes. Et il est interdit de les féliciter. L'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a rapporté l'unanimité des savants concernant l'interdiction de féliciter les mécréants lors de leurs fêtes. Et c'est certes très étonnant de voir certaines personnes qui s'affilient à la science, à la jurisprudence, venir nous dire qu'il n'y a pas de mal dans le fait de dire « Joyeux Noël » à un chrétien, ou encore « Bonne année » ou autre. « Inna hadha la shay'un ujab » Ceci est certes une chose très étonnante. Deuxièmement, nous leur rappelons la position du Coran vis-à-vis du fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Car les chrétiens, lors de Noël, célèbrent ce qu'ils considèrent être la naissance du Fils d'Allah. Wal'iyadu billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat Maryam. Wa qalu takhadha ar-Rahmanu walada. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ils disent, le miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut qu'à ces mots, les cieux ne se déchirent et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le miséricordieux en serviteur. Il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se présentera seul devant lui. En sachant que Isa alayhi salam est né en été, comme cela a été cité dans le Coran, et plus précisément dans Sourate Maryam. Par conséquent, il est obligatoire pour tout musulman de s'écarter des polythéistes et de se désavouer d'eux, et cela en tout temps. Et celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Ensuite, il dit, rahmahullah, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Les savants de la Sunna ont divergé concernant ce qui est voulu par l'association dans ce verset. Certains savants, tels que Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Rahmahullah, Rahmatan Wasi'a, sont d'avis que ce qui est voulu par l'association dans ce verset est les deux catégories d'association, c'est-à-dire le polythéisme mineur et majeur. Par conséquent, selon cet avis, celui qui meurt sur du polythéisme majeur, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Et il ira en enfer éternellement, wa li'adhu billah. Quant à celui qui est mort sur du polythéisme mineur, selon cet avis, il va aller en enfer. Il va aller en enfer un temps pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le purifie de ses péchés, puis il finira par sortir pour entrer au paradis. Car même s'il est mort sur le polythéisme mineur, d'accord, il est mort sur le tawhid. Et seul celui qui est mort sur le polythéisme majeur ne sortira jamais de l'enfer. Donc selon cet avis, celui qui meurt sur du shirk majeur va en enfer éternellement. Et celui qui meurt sur du shirk mineur va en enfer, mais finira par ressortir de l'enfer. Ça, c'est l'avis de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah et un petit groupe de savants. Quant à l'avis de la majorité des savants, ils sont d'avis que ce qui est voulu par le polythéisme dans ce verset, c'est le polythéisme majeur. Par conséquent, celui qui meurt sur du polythéisme majeur, il va en enfer et n'y sortira jamais. Quant à celui qui meurt sur du polythéisme mineur, il y a deux cas de figure. le premier cas de figure est qu'il rentre en enfer. Puis, il ressortira de l'enfer. Il rentre en enfer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le purifie de ses péchés. Et le deuxième cas de figure, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et le fait rentrer au paradis. Et cet avis est l'avis le plus juste. C'est-à-dire que ce qui est voulu par le polythéisme dans ce verset, c'est le polythéisme majeur. C'est le polythéisme majeur. Quant au polythéisme mineur, il rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.